Merci beaucoup Marie. Le sujet donc est d'une grande complexité et il s'éclaire progressivement au fur et à mesure que nous avons des jurisprudences. Alors les services qui sont l'objet de jurisprudences, de contentieux, évidemment ils le vivent assez mal, mais c'est très utile pour l'ensemble de la profession. Donc on va maintenant aborder un sujet tout aussi complexe, celui des données à caractère personnel. Merci de me donner la parole. Au nom de la CNIL, je vous remercie surtout de pouvoir faire ce type de journée d'études où justement on mêle des experts techniques, des experts métiers, vos créations justement et vos métiers au quotidien et des experts plus techniques, on va dire, sur d'autres techniques tout aussi importantes qui est finalement de mettre en norme le monde ou surtout de pouvoir trouver un équilibre pour le vivre ensemble et relier tous les droits et liberté des personnes, aussi contradictoires et complémentaires qu'elles puissent paraître. Je vais essayer de faire très bref et très court, juste dans le temps qui m'est imparti après vos deux brillants exposés. Vous l'aurez compris, il y a un cadre pour réutiliser tout ce que l'on veut tant qu'il n'y a pas de liberté en jeu ou de droits contradictoires en jeu, ni des droits d'auteur ou des données à caractère personnel. En jeu, et une fois n'est pas coutume, on pourrait commencer après ce magnifique PowerPoint très littéral par le dernier slide qui finalement porte en lui le programme de la loi informatique et liberté, mais pas que. Finalement, propose un programme de bonnes pratiques du quotidien qui doit mêler, que nous devons avoir en face de l'utilisation et du développement de l'informatique. La loi informatique et liberté, sans vouloir rappeler l'historique, puisque la CNIL, de toute façon, est à deux maisons plus loin, si vous voulez y faire un tour, il y a beaucoup de choses dans la bibliothèque ou sur les murs qui rappellent un peu l'histoire de la loi informatique et liberté, qui date de 1978. Et son premier article est suffisamment édifiant, finalement, pour en faire un sujet de bac de philosophie ou une autre thèse. Je vais vous le lire. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Moi qui suis publiciste, je tiens beaucoup à ces libertés publiques, finalement. On y viendra sur certaines dématérialisations de la façon, par exemple, d'exercer son bénévolat au sein d'une association où l'on est libre de s'y engager. Vous l'aurez compris, on peut accéder à des informations du secteur public et c'est gage de transparence et de bonne organisation finalement d'une société qui se veut démocratique. Notamment pour parler juridique, puisque c'est notre thème de cette première table ronde, deux articles dans la loi CADA, qui est le répertoire des informations du secteur public, et en écho, l'article dans la loi informatique et liberté, autour de l'information à délivrer aux personnes sur, finalement, quel va être l'usage, qu'est-ce que vous proposez de faire comme usage des données, pourquoi vous avez besoin de collecter, d'enregistrer, de numériser, de diffuser des données à caractère personnel concernant telle et telle personne physique. Dans cette loi informatique et liberté, il y a également la notion de ce qu'on appelle un registre d'information. Je me permets on fait un cas à part, justement, pour permettre de trouver cette information. Ces états des lieux sont nécessaires aujourd'hui et de plus en plus de sites et de services publics proposent ces états des lieux, ces répertoires d'information du secteur public. Ces répertoires sont un premier outil de pilotage et d'équilibre et ne serait-ce qu'une première, finalement, étape avant d'ouvrir ces données ou de les réutiliser et de les partager avec d'autres. Ces étapes permettent notamment de lister les obligations autour de telle catégorie d'informations du secteur public parce qu'elle va comprendre des données, des droits d'auteur à protéger ou parce qu'elle va comprendre des données à caractère personnel sur lesquelles on doit faire un sort particulier. L'accès, en creux de l'accès, ce principe fondateur de nos sociétés modernes, allons dire, résumé ainsi, serait donc d'occulter ou d'anonymiser les données à caractère personnel qui se trouvent dans une information du secteur public. Pas de souci, sauf que pour anonymiser ou occulter, il faut bien procéder à un traitement de données personnelles et donc savoir quelles sont les données que je dois retirer. Il y a une dispense, justement, le législateur permet de faire une dispense sur différentes catégories d'information du service public, dès lors qu'il y a un intérêt, dès lors que l'équilibre finalement des droits, des libertés publiques, collectives de chacun, les intérêts d'exploiter, de réutiliser ou d'en faire un nouveau marché économique, l'équilibre à trouver justement pour ménager ces intérêts en jeu. Vous avez certainement en tête, puisque ce printemps nous en avons parlé beaucoup, de l'arrêt du droit à l'oubli autour de la notion du déréférencement des moteurs de recherche, des méga moteurs de recherche type Google. Nous cherchons un équilibre. Nous estimons qu'il est nécessaire pour que chacun s'y retrouve, non pas d'interdire tout traitement de données à caractère personnel, mais bien de l'équilibrer. Comment vous avez informé les personnes, quels vont être leurs droits et pour pouvoir justement faire des clapets de visibilité, ne permettre de partager que tel et tel attribut de leur personnalité et non pas d'ouvrir toutes les informations, d'autant plus parce qu'elles viennent de sources administratives, de sources de services publics, qui sont considérées comme étant des sources de données dites captives. On est obligé aujourd'hui, pour vivre en communauté, de confier certains attributs de son identité, certaines de ses données personnelles à d'autres, pour obtenir une prestation de service public, pour pouvoir faire valoir sa capacité électorale, ou simplement pour partager son temps de marche quotidien, pour partager le meilleur itinéraire pour venir à la Bibliothèque de France, depuis chez soi. Un équilibre à trouver qui est tout à fait compliqué, bien évidemment, à mettre en œuvre. Mais c'est bien pour autant que le débat doit se faire et la discussion, la construction doit se faire autour de plusieurs acteurs. Le producteur, tout d'abord, de données. Comment le producteur de données. Le réutilisateur, qui veut réutiliser quoi, finalement? Est-ce que l'on veut aller plus loin qu'une simple couche informationnelle agrégée, statistique, comme le diffuse depuis des années l'Institut national de la statistique, la statistique de l'économie et des études, à peu près, l'INSEE, justement, où ils prennent des précautions pour éviter que l'on connaisse tout le détail du recensement de la population, ou que l'on connaisse jusqu'à qui a voté, que l'on connaisse finalement un résultat électoral de façon individuelle. Mais on cherche bien une couche informationnelle sur ce territoire, quelle est la tendance qui s'est dégagée à l'issue d'un scrutin. Donc finalement, ce sont une préparation des données qui doivent être faites, ce sont l'occasion justement qui est donnée par le contexte actuel d'open data qu'a bien rappelé M. Ricard sur le fait que l'open data n'est pas toute la masse des matières premières réutilisables. Et c'est bien de repenser la chaîne de production des informations du secteur public. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que la majorité des services publics ont peu conscience de la nécessité, ne serait-ce que de publier telle version d'information, de devoir la rendre accessible à moi, personne physique concernée par le traitement de mes données personnelles. Dans la loi informatique et liberté, il y a un droit d'accès à ces données, savoir ce que vous, responsable de traitement, détenez sur moi, pourquoi, et vous demander des comptes ou de la mise à jour ou de la rectification, par exemple. Mais également repenser la chaîne des informations du secteur public pour surtout faciliter les techniques d'anonymisation, faciliter les techniques d'occultation de ces données à protéger, de ces données particulières, ou parce qu'elles vont donner un détail sur la confidentialité d'un dispositif technique. Il y a certaines délibérations de la commission, de la CNIL, qui ne peuvent pas sortir en l'état, du moins, pas parce qu'on veut cacher des choses, mais parce qu'il y a un impact sur la sûreté, la sécurité à garantir autour du dispositif, et ce serait dommage qu'une publicité légale ou qu'une diffusion complémentaire pour pouvoir faire connaître et enrichir le débat public sur des données factuelles, données très précises, ne permettrait pas de battre en brèche ce besoin de sécurité autour d'un dispositif de traitement de données personnelles. Ce que l'on pourrait également rappeler autour de cet équilibre, c'est finalement les lois ont déjà et recèlent déjà énormément de dispositifs, de modulation, de modalités pas forcément pratiques, pas forcément tout opérationnelles, où il manque certainement du liant ou de la cohérence technique pour respecter toutes ces... cette articulation des lois, cet enchevêtrement des intérêts de chacun. Mais finalement, il y a énormément d'éléments que l'on pourrait à minima interpréter ou modifier par le législateur, puisque la transposition de la directive Public Sector Information dont vous a parlé Marie et M. Ricard vont donner lieu à un débat législatif. Il a été battu en brèche l'idée de transposer via une ordonnance. Dans ces articles, par exemple, de la loi informatique et liberté, on part de la durée de conservation des données, qui nous intéresse au premier lieu de notre discussion aujourd'hui, sur le fait que finalement, une donnée, quelle qu'elle soit, à caractère personnel plus encore, va vivre, avoir un cycle de vie d'une même donnée. La copier, la numériser, l'indexer, la transmettre au service, à un autre service, la permettre de la réutiliser... tout autant, finalement, une sorte de cercle infini sur le traitement de données et de données personnelles en ce qui concerne la loi informatique et liberté. Il y a également donc un des garde-fous qui permettent de rappeler que, notamment l'article 10 de la loi informatique et liberté, qu'il est interdit de prendre une décision à partir d'un dispositif automatisé qui préjudicierait à une situation individuelle. Finalement, c'est un peu du bon sens, où là, on rappelle déjà en 78 le fait que, avant d'imputer un fait à une personne, vaudrait peut-être mieux s'assurer des observations que cette personne a à formuler. Ne serait-ce que le principe du contradictoire, aujourd'hui dans les procédures juridictionnelles, mais plus encore, le fait d'imputer telle information à une situation individuelle pour développer un business model, par exemple, pourrait être totalement une gageure si vous n'êtes pas sûr que Delphine Carnel est bien blonde aux yeux rouges. Donc vous pouvez avoir comme ça de l'information qui n'a aucun prisme sur une situation individuelle, mais imputer automatiquement et prendre une décision pour lui proposer un brushing noir ou cheveux blancs pour obtenir des yeux bleus, vous allez peut-être finalement obtenir des efforts de prospection, par exemple, ou de présentation de votre service, de votre prestation de service, qui finalement se réduisent à néant, puisque votre information matière première de départ est fausse ou vous l'avez mal utilisée, avant de remettre la personne au cœur de la prise de décision, la personne concernée au cœur de la prise de la décision. L'article 34 également, qui est un article angulaire de la loi informatique et liberté, rappelle la sécurité des données. Dans la sécurité des données, il n'y a pas que la confidentialité, il y a également l'intégrité des données, le fait de savoir qu'à travers le temps, mon état civil restera le même et inchangé. Le fait de savoir qu'à travers le temps, j'aurai toujours une source sûre et certaine d'une copie de mon état civil qui pourra mettre opposable ou être opposable à des tiers. Dans cette sécurité informatique et liberté, des modulos, là encore, avec l'article 36 de la loi informatique, qui, justement, précise le fait de pouvoir réutiliser et réemployer des données à caractère personnel. Là encore, avec le consentement des personnes comme étant le principe angulaire, ou du moins le premier alinéa d'un article, tout dépend des interprétations et des exégèses que l'on veut en faire. Il y a beaucoup se sont essayés, peu ont finalement donné quelque chose d'opérationnel. Donc, un consentement est rappelé, là encore, à l'article 36, comme il fait écho à l'article 13 de la loi, de la loi CADA. Ce que demande la loi, cet article, c'est également l'autorisation de la commission. Finalement, est-ce que le régulateur vous a permis de vérifier que le dispositif que vous proposez pour réemployer des données est en soi loyal et licite ? Est-ce que, finalement, vous avez collecté ces données en toute légitimité ? Est-ce que vous ne les avez pas copiées sur un CD qui vous a été vendu à la sauvette au début des marches du métro ? Ou est-ce que vous avez justement les droits d'usage qui vous ont été consentis ? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques par rapport aux données à caractère personnel, par exemple ? Ou est-ce que l'objectif est d'intérêt public relativement compatible par nature, qui va être justement tous les privilèges qui vont être reconnus aux travaux de la communauté scientifique, tels que l'INSEE, tels que les services statistiques ministériels qui produisent des chiffres et de façon importante, tels que les médecins, les chercheurs justement autour des données de santé, plus précisément, mais pas que, autour des trajectoires de vie, par exemple, autour des personnes, autour de la sexualité. L'article 37 de la loi, là encore, permet justement de moduler. Et c'est en ça que la loi informatique et liberté permet le partage finalement inhérent de ce qu'est une donnée, de ce qu'est un traitement de données et qui plus est un traitement de données à caractère personnel, où l'on rappelle finalement que des tiers ne sont pas considérés comme non autorisés, ne vont pas impacter la sécurité d'un dispositif de données personnelles, parce qu'ils vont être justement légalement habilités par des lois complémentaires comme la loi CADA, dont le président vous parlera. Ensuite de cette étude, de cette table ronde, comme le code du patrimoine dont M. Ricard a rappelé ce matin avec des clapets de délai, de communicabilité pour faire des sorts particuliers autour des données. Ces destinataires implicites, ces tiers légalement autorisés, comme on pourrait l'appeler, c'est également une notion angulaire dans l'article 3 de la loi informatique et liberté, où on reconnaît justement cette puissance de tout traitement de données personnelles de pouvoir être accessible par toutes les parties prenantes à ce dispositif, que ce soit des gens qui aient besoin de faire donc de la statistique, de développer d'autres analyses scientifiques, que ce soit des personnes comme les forces de l'ordre qui ont besoin parfois, et dans des conditions juridictionnelles ou encadrées par les juges des libertés et des droits, à accéder à certaines données pour pouvoir rechercher un mineur dont la disparition inquiétante a été signalée. Et puis également le droit d'accès, bien évidemment, de moi à mes données. La capacité de la loi informatique et liberté à remettre le citoyen et toute personne au cœur et au centre des traitements de données est importante pour le devenir justement de ce que devrait être demain la chaîne optimale de la production d'une information de secteur public. Ce support que je laisserai à M. Ricard, notamment, qui sera publié, sur lequel je ne revendique aucun droit d'auteur, tant la documentation est littérale, et c'est un travail collaboratif de mes collègues que nous dispensons notamment auprès des CIL, des correspondants informatiques et liberté, qui sont finalement des personnes relais de la culture informatique et liberté que nous proposons aux responsables de traitement de former, avec lesquels nous échangeons de façon privilégiée. Ce sont ces documentations que nous lançons. Juste peut-être pour finir sur une problématique d'interprétation, puisque nous parlons de consentement comme étant le principe, puisque la transposition de la directive devrait arriver, puisque ce sont des demandes inhérentes aux travaux de la CADA, de la CNIL, ou même aux actions communes qu'elles ont demandées auprès de la mission Etalab, ou sur les actions de sensibilisation qu'elles font auprès de notre nouveau Pradacil, M. Verdier, qui sera là tout à l'heure. Pradacil, la personne référente à l'accès aux documents administratifs, a collé à la casquette de CIL, le correspondant informatique et liberté, pour une petite clin d'œil, pour saluer la création de ce poste d'administrateur général aux données et la nomination de M. Verdier, qui conduisait jusque-là la mission Etalab, pour ouvrir les données. Autant de partenariats également développés avec la CADA et la CNIL qui nous faut renforcer aujourd'hui, peut-être repenser même la façon d'agir dans nos quotidiens, dans nos métiers, au sein des régulateurs, qui se traduisent par exemple depuis septembre dernier, une convention de partenariat avec les Archives de France, justement pour pouvoir articuler, peaufiner, rendre opérationnel le respect des lois, des droits et des obligations traduites dans ces 3-4 lois piliers de la gestion de l'information. La notion de consentement, donc on y venait peut-être pour ouvrir le débat. Vous avez parlé, M. Ricard, tout à l'heure, du fichier national des immatriculations, de la capacité de vous opposer lors de ce que vous immatriculez votre véhicule. La loi, nous l'avons dit jusque maintenant, demande un consentement. Un consentement qui peut être traduit de façon, par une définition somme toute générique, comme étant la manifestation de la volonté libre et éclairée d'une personne, ce qui équivaudrait à délivrer une information précise et d'une case à cocher « je consens », qui est une action de « je manifeste ma volonté », Est-ce que certains détracteurs aujourd'hui, par exemple, contestent le fait que l'on ait mis une case, que l'on ait mis, le ministère de l'Intérieur ait apposé sur ce formulaire une case « je m'oppose » à consentir à une réutilisation commerciale de mes données ? Est-ce qu'il y a là un périmètre justement opérationnel ? Est-ce que c'est simplement du bon sens ? Ou est-ce que l'objectif est simplement de poser cette case à cocher de façon visible et non pas en Ariel 12 au détour de la 12e page des conditions générales d'utilisation d'un dispositif ? C'est finalement autant de questions de bon sens, de bonne pratique, de limite de civilité numérique, par exemple, lorsque vous trouvez de la prospection dans votre boîte aux lettres avec un détail fou, ne serait-ce que portant la marque de votre véhicule ou l'immatriculation, votre plaque d'immatriculation, vous posez la question, mais comment ils ont réussi à avoir mes données ? Ne serait-ce que de rappeler, bonjour, je suis prospecteur, je vous propose de venir changer vos pneus et de faire votre contrôle technique puisqu'il va être l'heure pour votre voiture Volvo XYZ. J'ai eu vos données auprès du fichier du ministère de l'Intérieur et je les utilise dans des conditions légales. D'ailleurs, si vous voulez, je ne vous adresse plus de prospection de façon ultérieure. Si vous me le demandez, je vous donne accès aux données que j'ai enregistrées sur vous, si vous me le demandez. Autant, finalement, d'équilibre, de bon sens, de bonne pratique, mais qui mérite et qui nécessite, finalement, de réunir autour de la discussion les acteurs, les régulateurs, les experts techniques, les experts métiers et notamment ceux qui sont les premiers concernés par ces données, les personnes. Je vais m'arrêter là et vous relaisser la parole. Nous aurions pu parler de Family Search, par exemple, qui justement a été à l'origine, notre famille a été à l'origine de construction de travaux, de grilles de lecture qui sont des premières grilles d'analyse que la Commission propose, que la Commission nationale propose pour analyser et instruire une demande de réutilisation que vous retrouverez également dans ce PowerPoint. Aujourd'hui, cette grille de lecture, ces grilles de lecture, puisqu'il y a également la U029 pour diffuser par les services publics sur Internet des données, notamment des données personnelles, enfin surtout des données personnelles, de pouvoir en faire le bilan, de pouvoir les faire évoluer à l'aune des pratiques, des besoins, et surtout des préciser, là encore, en termes d'interprétation. C'est le problème actuel avec Family Search, où le CIAF fait une lecture de le service interministériel des archives de France fait une lecture de la délibération que la CNIL a rédigée. Les services publics contestent et ne souhaitent pas donner en l'état les données qu'évoque cette délibération Family Search, mais également Family Search prétend à une autre interprétation, ou du moins une interprétation qui s'y rejoint. Aujourd'hui, même si on a besoin d'interpréter de façon opérationnelle, il y a quand même des problématiques de comportement et de mise en pratique. Et ces contentieux aujourd'hui nés autour de notrefamille.com ou la demande d'interprétation complémentaire qu'a fait Family Search démontre que la compétence de la CNIL est celle que la loi Informatique et Liberté veut bien lui accorder, avec les priorités des missions qui sont les siennes et qui certainement faut peut-être repenser et rénover avant même l'adoption d'un règlement à la protection des données qui interviendra un jour forcément. Mais pour justement, pour pouvoir rénover ces cadres informatiques et liberté, mais surtout vous proposer une première grille générale de lecture à vous, réutilisateurs, à vous, diffuseurs, à vous, producteurs de données, d'être conscient de vos besoins, de vos obligations, d'être équilibré dans le dispositif que vous proposez, de préserver les droits informatiques et libertés des personnes, les deals, de préserver l'information et d'être justement conscient de justifier l'équilibre de ce dispositif. Certes, au regard de la loi Informatique et Liberté, au regard du cadre général qu'il est proposé de respecter, mais également au regard des besoins de vos métiers ou des attentes de des utilisateurs, des personnes concernées par vos traitements. Je vous remercie. Merci, Madame Carnel, pour cet exposé. C'est vrai que nous avons à travailler très fréquemment sur nos problématiques, la délibération Family Search, en particulier. On va de nouveau en discuter, ou d'autres dossiers en instance. Nous avions prévu un temps de débat, mais la pause initialement prévue est déjà amputée de 15 minutes. Donc je vous propose, Delphine Carnel, Marie Ranque et moi-même sommes là encore un petit peu, vous restez ce matin, ça. Donc je vous propose, si vous avez des questions précises à leur poser, à venir les voir pendant la pause en marge, et nous nous retrouvons. Donc il y a un café qui vous est servi à l'étage.